Il est déjà 9h. Nous allons manquer notre avion. Chèque de voyage, passeport. Les billets. Est-ce que t'as les billets? Tabitha, t'as donné à manger à Roddy? Oh, les voilà. Je sens qu'on a oublié quelque chose. Je suis sûre qu'on a oublié quelque chose. Roddy, où es-tu? Nous ne partons que quelques jours, alors voilà assez de nourriture. Allez, un petit peu plus. Tabitha! Encore un petit peu plus. J'espère que tu ne lui donnes pas trop à manger. Bien sûr que non, maman. Dépêche-toi, Tabitha. Bye, Roddy. Nous ne voulons pas rater nos vacances. J'arrive, j'arrive. Le chat n'est pas là. Les souris dansent. On se réveille, les vacances viennent de démarrer, les amis. Musique, maestro. Hey, pourquoi est-ce que vous restez tous plantés là? La journée va être chargée, il n'y a pas de temps à perdre. Hop, hop. Non, non, non, non, non, non, non. Oh! Attachez vos ceintures! Oups! Désolé! Colt, c'est prêt. Attention, point de match. On a gagné, on a gagné, on est les meilleurs. Ah. Ah. Ouh. Là, c'est fait, première de cinéma. Ah, parfait. Die Again Tomorrow, c'est mon préféré. Cela vous plaît-il, très cher? Ah, merci beaucoup. On se revoit demain. Bonne nuit à toi, Roddy. Qu'est-ce que c'était? Qui est là? Réveillez-vous! Je crois que quelqu'un est entré. Sergent, réveillez-vous! Nous approchons des lignes ennemies. Je suis armé et je suis prêt. Repousse. Abandonnez vos armes de destruction massive. Venez m'affronter. Non, non, le mythe de la liberté. Ça suffit. Je suis armé et je suis prêt. Dites à maman que je l'ai. Oh. J'ai jamais, je dis bien jamais, trouvé une bouffe pareille dans les égouts. Les égouts. Un instant. Vous, comment êtes-vous entré ici? J'en sais rien. Je me souviens que j'étais au pub et d'un seul coup, waouh! Il y a une entrée d'eau qui a brisé. Et alors, je suis entraîné dans les égouts et j'échoue enfin chez toi. J'ai une ventouse. On n'a qu'à essayer de vous y renvoyer. Il rentre, le hareng sort. Je vous appelle un taxi. Il nage dans le bonheur. Est-ce que t'as la télé? Bien sûr, oui, mais... On y va. Non. Laissez ça. Non, il ne faut pas... À la terre. Non, ne touchez à rien. Je vous en conjure. Checkez-moi un peu la taille de cette merveille. Attention, votre Altesse, on dirait des truffes au chocolat, mais c'en est pas. La finale de la Coupe du Monde. Angleterre, ouais. Allemagne. En direct dimanche, soyez là. C'est le paradis chez toi. Je m'y installe définitivement. Quoi? Bon match, je sers. On a gagné. Vous vous êtes pris une grande claque, ouais. C'est terminé. Vous, vous allez partir d'ici et reprendre gentiment votre route. Moi, je ferais pas ça si je serais toi, Majesté. C'est moi le nouveau shérif cowboy. Et c'est moi qui vais t'expliquer quoi faire. Si Sid dit de faire des bons, son Altesse va sauter sans discuter. Comprendez? Allez me chercher à bouffer le pingouin, je meurs de faim. Allez, au pas de course, compris? Tout de suite. J'y vais tout de suite. Tu comprends vite, toi. Mais... avant de déguster son déjeuner, monsieur aimerait peut-être se détendre dans les bulles de son jacuzzi. Un jacuzzi? T'as de la classe et je suis fier de toi. Merci. Après un long périple dans des égouts nauséabonds, y a rien de mieux que de se relaxer dans un jacuzzi, réglé à une bonne température. Tu as raison, ça donne envie d'y aller. Oui, les conditions sont parfaites. Je vous conseille de plonger, et moi, je déclencherai les bulles grâce au levier. D'accord. En avant! Non, attends. Notre relation est partie du mauvais pied, c'est vrai, mais tu sais, je suis sûr que ça va finir par s'arranger. T'en dis quoi? Que ça coule de source. À un séjour, mon vieux. T'es un trop nul! Tu croyais que j'allais confondre tes bécosses avec un jacuzzi? T'avais l'intention de me pousser dedans et de tirer la chaîne. C'est le modèle de luxe, c'est un vrai jacuzzi. Si t'es d'accord, c'est moi qui déclencherai les bulles grâce au levier. Ah non, c'est une très mauvaise idée, ça. Pitié, non. Non, je sais pas nager. Bon voyage, merci encore pour tout. Arrêtez, je vous l'interdis. T'avais l'intention de m'envoyer dedans. Je te laisse l'honneur d'y aller à ma place. Vous avez vu mon père? C'est un affreux cauchemar. Je suis pas à la maison, je veux rentrer chez moi. Chut, arrête, Roddy. Ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Il faut que tu te ressaisisses. Je peux pas, je suis terrorisé. Non, arrête. Ça suffit, écoute-moi bien. Tu peux arriver à te sortir de là. Et tu y arriveras. N'oublie jamais que le sang du courageux clan St. James coule dans tes veines. J'ai mis 3 ans à dessiner ça. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai 3 ans. J'ai donné le dernier coup de pinceau ce matin. 3 ans. Non. Je rêve. Où est-ce que je suis? C'est une vraie ville. Mes sous-vêtements. C'est un oiseau. C'est un avion. Est-ce que je garde mes sous-vêtements? Fais-le réagir, Trésor. Mon gars, t'es encore moins expressif qu'un chili con carne. Dépêche-toi, Trésor. Je me dépêche, mais il comprend rien de ce que je dis. Hé, il a bougé. Est-ce que tu l'as eu? Je l'ai eu. Bravo. Oh, désolé. Il va nous punir. Quoi? Où ça? Qui? Le grand déluge! Les vannes ne résisteront pas longtemps quand arrivera le grand jour. Nous sommes tous condamnés. Oh, vous pensez peut-être pouvoir y échapper? Oh non! Allons, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, le ciel soit loué, un policier. Cet excité était en train de me harceler. Bonjour, Harold. Bonjour, Colin. Ça va, toi? Oh, ça pourrait être pire. Colin, garde à l'œil celui-là, il a l'air dérangé. Quoi? Nous sommes tous quoi? Condamnés, c'est croyez-moi. C'est une plaisanterie, j'espère. Venez, je vais vous raccompagner jusque chez vous, cher monsieur. Oh, chouette. J'habite à Kensington, juste au-dessus, à la surface. Je ne vous crois pas. Oh non. Les humains détestent notre espèce. Je ne suis pas de votre avis. Je sais que moi, au-dessus, ils m'adorent. Oh, je n'aime pas votre comportement. Je vous ai à l'œil, alors je vous conseille de vous tenir à carreau. Alors, tu veux aller dans le monde du dessus, frère de la côte? Oui. Il est bleu, Montgruyère. Ici, je ne connais qu'une seule personne qui pourrait te donner un coup de main. Peut-être. C'est vrai? Un être louche dont tu dois te méfier. Le capitaine du Jamie Dodger. Le plus dur, c'est de le trouver. Je sais où il est, moi. Surtout, n'oublie pas, le bateau s'appelle le Jamie Dodger. Merci encore de m'avoir amené ici. Ce fut un plaisir. Salut! De monter à bord. Il y a quelqu'un? Gêne, monsieur, capitaine Skipper Truc-Chose. Non, c'est mademoiselle capitaine Skipper Truc-Chose. Oups. Alors, qu'est-ce que tu viens faire sur mon bateau? J'ai eu une journée cauchemardesque. J'ai besoin de votre aide. On m'a poussé dans mes toilettes et quelqu'un a tiré la chaîne. Et alors, Oui, merci. Ça me regarde pas tout ça. J'ai des problèmes, moi aussi. Ça me suffit. Je suis sûr qu'elle se planque dans le coin. Cache-toi! Et surtout, silence! Mais de qui se cache tout? J'ai dit silence! Des rats sont à ma poursuite et veulent me tuer. À vrai dire, cela ne me surprend pas. D'accord. Je serai discret comme une souris. suis vraiment confus. Je vais vous laisser. Désolé. Désolé. Désolé. Je vais pas la laisser s'échapper. J'ai marre, Jamie, n'abandonne pas. Tu m'as jamais laissé tomber. À l'abordage. Lâche-moi tout de suite, la lumineuse stabilisée. Je suis en colère maintenant. Yara, lâchez-moi, je suis innocent, je n'ai rien à voir dans vos histoires. Oh, je suis pas, mais là, pas du tout content. Rita, Rita, Rita. Tu croyais que t'allais nous glisser entre les mains. Oh, tu me cherches pas? Tu veux te battre? Allez, je t'attends. Viens. Qui es-tu? Je veux savoir ton nom. Il me l'a dit tout à l'heure. C'est Pamela, pas du tout content. Pamela. En fait, non. Ça suffit. Où est le rubis, Rita? Le patron veut le récupérer. Je n'ai jamais eu le moindre rubis. Ok. Vais-je être contraint d'utiliser la manière douce ou la manière forte? On a toujours de bons résultats avec la manière douce, Pike. Non. C'est d'accord. La boîte ronde. Sage décision. Tu vois, Blanco, c'est pas plus compliqué. Regarde et apprends, mon grand. Regarde et... Oh! Tu l'as trouvé. D'accord. Fouillez le navire. Hey! Vous défendez de poser vos sales pattes sur mon journal intime. Il est à bord. Je le sens dans mes tripes. C'est certainement le curry d'hier, Spike. C'est pareil pour moi. J'en ai mangé et j'ai l'estomac ratatiné. Pourriez-vous dire à ces gens que je n'ai rien à voir avec ça? D'accord. Ok, ok, écoutez tous. Ce gentleman vient d'ailleurs, ça se voit tout de suite. Merci beaucoup. Regardez comme il est chic et élégant. Ah, oh, merci beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un voleur de classe internationale. Vous êtes trop gentil. Hein, quoi? Non, non! Il est venu ici voler mon rubis. Et non, si vous me relâchez, alors je vous aiderai à le trouver. Il est temps que je fasse appel au persuadeur. C'est toi qui vois, mon grand, tu peux parler maintenant ou alors prendre ton temps, n'est-ce pas, le persuadeur? Ouais, tu auras une voix plus... aiguë. Le persuadeur est vivant, Spike. Ta voix imitera une bouilloire qui siffle. Très drôle, le persuadeur. Je connais pas cette fille, je connais rien à rien. Attention, mademoiselle, vous risquez de vous blesser. Je sais où il est. Alors vas-y, crache le morceau. Je te le défends. Son arrière-train. À mon avis, son postérieur a une drôle de forme. Tu es le dernier des traîtres. Le bijou est dans son écrin. Et toi? Merci, mon vieux. Le patron sera certainement très fier de nous. Tu as eu tort. Tu es cuit. Alors t'arrives du monde du dessus? J'ai travaillé dans le monde du dessus dans un laboratoire. Oui, il y avait un contre sur tous mes poils. Là, lorsque je suis arrivé, j'étais gris foncé. Oui. Ce qui est sûr, c'est que mes pellicules ont disparu. La vanne. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est certainement l'événement sportif le plus populaire au monde. Patron, et dans deux jours, vous êtes là, patron? On est là. Dimanche à je l'ai trouvé, patron. Le rubis. Je l'ai trouvé. Il faut être juste, Spike. C'est grâce à Pamela qu'on l'a découvert. Puisqu'on en parle, je m'appelle Ruddy. Et en échange de ma collaboration, j'ose espérer que vous m'aiderez à me sortir de ce pétrin. Bonjour. Bonjour, Rita. Bonjour, jeune homme. Qui avons-nous là? Votre nouvelle conquête et serveur? Conquête? Serveur? La pierre est revenue chez son maître. Vous vous imaginiez que j'allais vous laisser me la dérober? Vous la quoi? Ce joyau appartient à mon père, et vous le savez! À votre père? Vous rêvez? C'est un bon à rien doublé d'un voleur, tout comme vous, d'ailleurs! Excusez-moi, à vrai dire, c'est moi qui ai trouvé votre rubis. Alors, peut-être que vous... pourriez, en guise de récompense, me ramener chez moi? Aidez-moi! Faites-le disparaître! Non, je vous en prie, je veux juste rentrer chez moi, à Kensington. Kensington? Le quartier royal? Dans le monde du dessus? Oui, du dessus. Enfin, un personnage raffiné! Il était temps. Je commençais à désespérer. Venez, je vais vous montrer ma collection. Je suis sûr que cela va vous divertir. Mon sanctuaire de la beauté. Des œuvres d'art réalisées en l'honneur de notre bien-aimée famille royale. Le buste de la reine Victoria, fait de fine porcelaine. C'est la classe. On dirait la vraie. Vous en dites quoi? Il ne lui manque que la parole. Elle est douce à la caresse. Vous allez la réveiller. Poursuivons. J'ai le très grand honneur de vous faire découvrir le chef-d'œuvre de ma collection. Ce rubis s'est accidentellement désorti d'une couronne royale. Un des joyaux de la couronne, vous réalisez? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas malade! Enfuyez-vous! Courez! Pardonnez-moi, je parle la bouche pleine. Votre rubis est exceptionnel, c'est une merveille. C'est exact. Mais comment est-il arrivé jusqu'à moi? Dans les tréfonds des entrailles de la terre, dans ces lugubres méandres. Oui, ça tombe bien que vous en parliez, j'adorerais continuer la visite, c'est en effet très amusant, mais je... Amusant? N'avez-vous pas dit que ça allait m'amuser? J'ai dit que cela allait vous divertir, et non vous amuser. En fait, j'employais le mot « amuser » en faisant référence à sa racine grecque, qui a pour origine les neuf muses, qui étaient les déesses des arts et de... les muses. Il casse la baraque. Oh, quelqu'un aidez-moi. Refroidissez-le. Et la fille aussi. Voyons voir ce qu'on a d'intéressant dans le congélateur. Tous mes anciens ennemis. Une magnifique vitrine de voleurs, de fourbes et d'âmes charitables grotesques. Ne soyez pas si frileux, cette expérience vous laissera de glace. Le patron est drôle et manque pas de sang-froid. Fermez la porte. Du nitrogène liquide, on sera congelé instantanément. Essaie d'attraper le trombone qui se trouve dans ma poche arrière. Je t'ai dit dans la poche. C'est vraiment froid. C'est pour ça que je porte mes mitaines. Hein? Les tueurs à gages n'ont pas de mitaines. Enlève-moi ça. On a l'air de croire. Toi, tu risques rien. Tes mains sont minuscules. Je l'ai. Elles se refroidissent moins vite. Mes mains sont pas minuscules. Aussi, alors. Elles sont petites et délicates. Bien. D'accord, peut-être. Mais ce sont des armes très efficaces. Je les trouve féminines. Tu regardes. Maintenant, je vois tes mains. Oh, vous auriez pu m'essuyer les pieds. Arrête de te tortiller. J'ai failli l'être, mais ma maman n'a... Au revoir, Hermine. Et voilà une œuvre cubiste de plus à rajouter à ma collection. J'espère qu'elle est jolie. Quoi? C'est impossible! Coucou, Kermit! Cette merveille a enfin rejoint son propriétaire. Si tu le veux, crapaud baveux, faudra venir le chercher. Amenez-la-moi! Vous vous arrêtez? Est-ce que nous avons un plan? Nous? C'est qui, nous? Non, attendez, vous pouvez pas me laisser ici. Je vous ordonne de leur courir après, bande d'idiots. Câble principal. Nous avons un plan. Il faut leur brancher. Attendez, attendez. À deux, nous serons trop lourds. Tu as raison. Un de ces jours. Non, attendez. Restez là. Non. Oh non. Ne cède pas. J'ai encore des choses à faire, des horizons à découvrir. Ça, c'était pas sur la liste. Quelque chose. Oh. Garde tes jambes tendues quand tu rentreras dans l'eau. J'ai gardé les jambes tendues, Spike. Oh, bon sang, c'est haut. Oh là là, oh, c'est haut, oui, oh, c'est vraiment haut. Non, mais c'est même trop haut. Ouais, cool. Salut. Si elle y arrive, allons-y. J'ai atterri en douceur. Rita ! Rita ! Oh, où est-ce qu'elle est ? Rita ! Notre cible est à 12 heures. Oh, dépêche-toi ! Attention, Blanco, c'est une peau de banane. Rita ! Il est là ! Dans cette position, t'as vraiment l'air ridicule, Pamela. Garde tes jambes tendues. Avaler un boomerang. Prends-moi tout de suite mon rubis. Je n'ai pas votre rubis. D'accord. Maintenant, j'ai votre rubis. Surtout, fais attention. Ce rubis compte beaucoup pour moi. Il n'a pas de prix. Un instant. C'est un faux. Tu dis n'importe quoi. C'est un vrai. Non, regardez, c'est de la verroterie. C'est un vrai. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Stop. Vrai. Attendez, attendez, attendez. Il y a un moyen de le savoir. Vous en avez la preuve, car un vrai rubis ne se casse pas. Oh. D'accord, j'ai peut-être eu tort d'agir de cette façon. Mais si on voit le bon côté des choses, je vous ai sauvé la vie. Quand cet infâme batracien apprendra ce qui s'est passé, il arrêtera de vous traquer. Roddy St. James est un héros. Décidément, rendez service aux gens et voilà comment elle est. Service ? Ce rubis en est la couronne de la reine Elisabeth ! Il est tombé dans les égouts de Buckingham Palace ! Dans ce cas, nous pouvons en conclure que la reine porte des faux. Tu vas me le payer ! Peut-on essayer d'en parler ? Vrai ou faux ? Ce rubis allait changer ma vie ! Une femme m'attaque. C'est une vraie bataille. Elle m'envoie des crayons. Ok, un pâté avec oui, oignon. Non, des crayons. Non, pas oignon. Mélanie, vous voulez frites ou non? Frites. Non, attendez. Vous voulez un oignon, oui ou non? Annulez tout. Rita? Va-t'en loin d'ici, s'il te plaît. Je suis désolée. Désolée. Mon père et moi avons fouillé ces égouts durant des années. Il a pris des risques incroyables pour avoir ce rubis. Nous avions mis en lui tous nos espoirs. Je découvre aujourd'hui que ce rubis était un faux. Peut-être... Oui, peut-être que je pourrais vous aider. Tu rêves ? Non, non, je suis sérieux. D'autant plus que chez moi, il y a une boîte à bijoux qui est pleine de rubis et de diamants. Et ce ne sont pas des faux, ceux-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est me ramener à Kensington. Car la valeur des bijoux qui vous y attendent dépasse tout ce que vous imaginez. Je veux être certaine que t'es pas en train de me raconter n'importe quoi. C'est simple. Vous devez avoir confiance en moi. Je dois pas être dans mon état normal. D'accord, on va faire comme ça. J'attends. À ton tour. Crache dans la tienne. Où sont passés ces imbéciles? Aujourd'hui, mes enfants trouvaient du personnel qualifié relève du miracle. C'est un enfer. Oh, approchez, mes tout petits. Venez réconforter votre papa. Pauvre de lui, cerné par ces affreux rats dans ce triste et sombre cloaque. Mais surtout, n'ayez aucune crainte, mes tout petits. Votre père vous débarrassera d'eux. C'est juré. Je vous le promets. Des tas jolies. Vous l'avez, oui ou non? Hein? Où est-il? Oh, en fait, on a presque tous les morceaux. Je me fiche, oh, du rubis. C'est le câble principal que je veux. Celui que la monstrueuse Rita a arraché. Oh. Sans lui, mon plan va échouer. Oh. Oui, patron, oui, on se fiche de ce rubis, on s'en fiche. D'ailleurs, regardez, on se met en route. Nous allons les court-circuiter. Le câble, c'est le principal dorénavant. Vous devez me le ramener avant la finale de la Coupe du Monde. Oh, génial! Est-ce qu'on pourra voir le match ensemble, patron? Trouvez-moi le câble principal! Garde-le, j'ai entendu. Avec ces voyous à notre poursuite, vous trouvez ça prudent de s'arrêter? Sans une carte, nous n'irons pas bien loin. Est-ce une maison? Oui. Et c'est très dangereux. Alors, je te conseille d'attendre ici. Attendre ici? Excellente idée. Fais attention aux piranhas. Voilà pour toi, Annie. Et pour Franchanu. Mimi, enlève tes doigts de ton nez. Percus. Fantastique! Jojo, faut pas mordre. Rita, ma petite maman, oh maman, je suis heureuse, tu es en vie. Rita! Papa, ça va? Viens te faire un gros câlin. Regarde, maman, il y a un petit homme dehors qui nous espionne. Tom? Oh, c'est Tom Jones! Non, maman, ce n'est pas Tom Jones. C'est lui, c'est mon passager. Ouh, il est très séduisant. Il reste dehors, c'est bien clair? À la soupe! C'est délicieux, merci, maman! Alors, depuis combien de temps vous êtes ensemble, tous les deux? On n'est pas ensemble, d'accord? Comptez-vous faire de ma chère fille une honnête femme, oui ou non? Arrête! Nous avions éventuellement pensé à nous marier au printemps, n'est-ce pas, mon gruyère? Un instant, ce que je veux vous dire à tous, c'est que ce garçon est... Tom Jones! Donc, vous vous appelez Roddy, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Roddy St. James. C'est vraiment un très joli nom. Salut, Roddy. Et qui es-tu, toi, petit garnement? Moi, je suis Chucky. C'est étrange, pourquoi ça? Je choque! D'accord! Alors, où comptez-vous aller, toi et ce charmant garçon? Papa, c'est à cause de lui que j'aurai besoin et que tu me prêtes tes cartes. Parce que Roddy vient du monde... du dessus. Cuisine. Tout de suite. Non, chantez-nous une chanson, Tom! Je sais très bien que je prends des risques. Moi, je te dis que c'est impossible, Rita. Personne n'a pu réussir à franchir les rapides de Hyde Park. Le courant qu'on traîne est une... Il va nous payer. Pour la dernière fois, on n'a pas besoin de son argent. Votre cuisinière est cuite. Là, je vous parle d'une vraie lady. Allez-y, Tom. Wow, wow, wow, c'est une lady. Il est question de cette lady. Oh, je suis là. Ah, celle qui porte des slips super grands. Super grands. Elle porte de grands Rita, flips. Je suis là, c'est moi, Liam, vite, dans la cuisine. J'adore vos déhanchements. Quand je dis grand, je de vous dis ton protégé te raconte des histoires. Son vrai nom est Pamela, pas du tout content à cette voleur de bijoux de classe internationale. Un cerveau, un super criminel. Il aurait truandé le crapaud et aurait disparu. Il est dangereux, mais je ne m'avoue pas vaincu. Et j'ai un plan. Vous êtes merveilleux. Oh, ce n'est rien. Alors, vous venez d'IDC ? Oui. Il y a quelque temps, j'ai connu un de vos congénères. Ah, c'est vrai ? Une vieille dame l'avait adopté. C'est charmant. Il se sentait très seul et il n'avait personne à qui parler. Personne à câliner ! Ni à choquer. Ce n'est pas une vie, qu'est-ce que vous en dites ? Oh, je ferais bien d'aller faire la vaisselle. Oh, oh madame, permettez-moi. Oh, vous êtes un vrai gentleman. C'est génial. Donc, je dois me débrouiller pour livrer Roddy au crapaud et toucher la récompense. Ensuite, nous nous tournerons les pouces jusqu'à la fin de nos jours. J'ai bien compris ? Oui, le crapaud te versera une fortune. Et de toute façon, ton rat, c'est un criminel, alors n'hésite pas. Espèce de sale petite peste. Je ne supporterai pas qu'un de mes fils soit un traître. Nous, les Malones, ne revenons jamais sur notre parole. Il va te voler ton bateau. Il ne volera pas mon bateau. Il est en train de te voler ton bateau. Non, il n'est pas en train de voler. Ça y est, il l'a volé. Quoi ? C'est un Robin des Bois à l'envers. Ah ! Roddy ! Je croyais qu'on s'était mis d'accord. Oui, moi aussi. Vous croyez que c'était un ami ? Pourquoi il part si vite ? Attention ! Écartez-vous du milieu ! Il y a urgence ! Laissez-moi passer ! J'arrive, Monsieur Jones ! J'arrive ! Épousez-moi, Monsieur Jones ! Roddy ! Cette fille est d'une fourbe, doublée d'une magouilleuse. J'ai pas besoin d'elle. N'importe qui peut naviguer. Regardez-moi ! Les vacances sont finies, Sid. Je vous réserve une belle surprise. Attention ! Désolé. Ici le palais du tatouage et de la bouffe. Oui, Sid, c'est Roddy. Vous me remettez ? Le majordome. Roddy ! Je suis de retour. Si vous êtes encore là quand je poussais la porte... De retour ? De retour ? Et comment est-ce que tu comptes revenir, Roddy ? C'était quoi, ça ? Oh, salut, je suis occupé. Si jamais un seul objet a changé de place... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Oh. Où est-ce qu'ils sont planqués ? Réfléchir. Pour trouver un rat, tu dois raisonner comme un rat. Hé, les gars, j'ai des nouvelles fraîches. Ils font route à l'ouest, vers Kensington. Bingo ! Scrabble. Ça suffit, on joue plus. À la rate mobile. Ok, ok. On va arranger ça. C'est pas sorcier. C'est ça, apparemment, il y a... Ah, je viens de me brûler la main au troisième degré. Ça sent le poulet grillé. Peut-être on devrait... Oh, oh, oh, c'est douloureux. Est-ce que tu vas te décider à démarrer, espèce de vieille machine rouillée? Tu finiras en pièces détachées ou je te coulerai. Tu n'as aucune parole. Tu es fourbe, hypocrite, lâche calculateur. T'es un moins que rien. Oh, oh, oh, oh. Donc, oh, c'est moi le fourbe dans l'histoire. Oh, celle-là, c'est la meilleure. J'ai entendu ce que vous disiez. Oui, vous et votre famille, vous aviez l'intention de me vendre au crapaud. Quoi ? Il est fou. T'as rien compris. C'était mon petit frère qui avait planifié tout ça. Mais personne n'écoute ce qu'il dit. J'ai dû rater cet épisode. Alors tu crois que je te vendrais à l'ennemi ? Quand je donne ma parole, je donne ma parole. Il y a tes cheveux qui prennent feu. Quoi ? Un instant. Je suis désolé, d'accord ? J'ai eu tort, alors laissons tous ces problèmes derrière nous. C'est d'accord. Je laisserai le problème derrière moi. Je trouve cette réaction un tantinet exagérée. Non, mais enfin, Rita, vous n'allez tout de même pas me laisser sur un canard. Vous pourriez au moins me donner... Tu n'as que ce que tu mérites. Ce que tu as fait est honteux. On n'écoute pas aux portes sans y être autorisé. Je n'ai jamais écouté aux portes. Bien sûr. Alors, attendez, c'est une blague, hein? Vous n'allez pas me laisser sur ce canard. Vous n'êtes pas si cruel. Peut-être que oui, finalement. Non, Rita, c'est inutile d'en arriver là. Je vous jure que j'ai compris la leçon. C'est pas un cadeau, votre canard. Glacial Rita, je n'ai jamais rencontré une fille si cruelle. Je lui ai offert un bijou, mais elle m'a laissé seul sur mon canard. Oui, quel mauvais coup à faire à Ruddy. À moi, Ruddy St. James de Kensington. Pauvre Ruddy, dans l'étoile est ton ami. Rita, il peut devenir ton ami. Pour la vie. Vous fûtes cruelle avec moi, glaciale Rita. Aide-moi toute la vie. Non. Suis-je pardonné? Pas du tout. Je voulais pas avoir droit au deuxième couplet. Rita, je n'écoutais pas aux portes. Je vous le jure. Oh, c'est vrai. Ah oh. Explique-moi alors ce que tu faisais. En fait, j'étais en train de... De vous regarder, vous et votre famille. Et je trouvais que vous aviez de la chance. De la chance? Avec tout à bord? Notre marché tient toujours? Hein, plus que jamais. Je souhaiterais pouvoir vous être d'une quelconque utilité. Assignez-moi une tâche, n'importe quoi, ingénieur, navigateur. Je prends la barre, si vous voulez. Attaquant, mais pique-toi! Ordre du commandant, les amis. Dégage! Il n'y aura aucun passager clandestin d'admis à bord. Non! Lâchez ça! C'est moi le commandant, et je te dis d'aller à gauche! Ça veut dire quoi, bâbord ou tribord? Droit devant! Les gars, à l'attaque! Rita! Il est presque, il est presque. Maintenant! Essayez de nous rattraper si vous pouvez y arriver! Le câble, allez! On est parti, ouais! Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Félicitations, tant j'y suis. Rita! Peut-on accélérer, s'il vous plaît? Ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Plan rapide. C'est la fin du voyage, Pamela. Quoi? Ayez confiance en moi! D'accord, mais j'espère que tu sais ce que tu fais! Oh! D'accord, il faut que je l'attrape! Ok! Tu es génial, Ronnie! Ouah, on a gagné! On a gagné! On n'a pas gagné! Oh, autorisation de monter à bord, commandant. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Est-ce que tu sais ce que tu fais, Spike? À ta place, je jouerai pas avec ça, il y a trop de danger. Danger? C'est mon deuxième prénom. Je croyais que c'était Leslie. Non. J'avoue que je tombe toujours à pic. Rita, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose et vite! Attention, j'appuie sur le bouton rouge! Oh. As-tu une dernière volonté? Oui, oui, que vous vous fassiez éjecter du bateau en hurlant comme une fille. Encore raté. Attention, Rita! Ah, parlez du pétrole, ils sont fous ces Anglais! D'après toi, est-ce que le patron va beaucoup nous en vouloir? Je vous en veux énormément, bande de ratés! Vous les avez laissés s'échapper! Tout ça est de ma faute, je n'aurais jamais dû envoyer de rongeurs idiots faire le travail d'un amphibien. Où est-il? Pourquoi est-il toujours en retard? Oh. En garde! Ouais. Para! Attaque! The Frog. Bonjour. Tu es en retard, The Frog. Comme tous les Français, mon anglais est ennuyeux cousin. C'est ce qui fait mon charme. Écoute-moi, Rita et son nouveau complice m'ont volé quelque chose d'irremplaçable. C'est arrangé, patron. On en a un autre. Le câble principal de mon système d'une technologie révolutionnaire. Je dois le récupérer. Aucun souci, t'as appelé la personne qu'il fallait. Une fois récupéré, mon plan sera opérationnel. Je me débarrasserai une fois pour toutes du fléau. Que sont ces immondes? Rongeur. Excuse-moi, pustuleux et anglais cousin, mais cette fixation baroque vis-à-vis des rats est néfaste à ta santé. Si tu ne te calmes pas, tu vas encore nous faire une poussée d'acné. Peut-être as-tu oublié que c'est à cause d'un rat que j'ai été banni du paradis. Oh, pitié. Il va encore nous sortir son album. Mes mémoires. Le volume 1 relate en détail la tragédie que fut ma jeunesse. Pourquoi moi? De tous les animaux de compagnie du palais de Buckingham, j'étais le favori du jeune prince Charles. Oh. Nous batifolions jour après jour sous l'astre solaire dans une insouciance royale. Nous partagions des moments magiques qui furent à l'origine d'une grande complicité. Arrête, tu vas me faire vomir. Nous étions inséparables jusqu'au jour... où il arriva, ce rat. Alors que mon petit Charles jouait avec la bête, je fus cruellement plongé un soir dans un tourbillon de désespoir. Je sais, un de ces valets acheté dans les chiens, tout le monde est au courant. Du vin anglais, quelle horreur! Il faisait noir, j'avais froid, c'était terrible. Mais alors, mon malheur te fait rire? Tant que ça m'arrive pas à moi, ouais, ça me fait rigoler. Je suis français! Trouve le câble principal! Les enfants, nous avons une mission et rien ne nous en fera dévier. Nous partons immédiatement. On n'a pas déjeuné. Nous partons dans 5 heures. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Je trouve ça délicieux. Merci. C'est vrai que c'est pas mal. Je n'avais sous la main qu'une pomme, 6 grains de raisin et une boîte de riz. Du riz? Mais d'où vient cette folle idée, ce grand besoin de tout lancer? Si tu regardes ces graderies sans dévers. Ça y est, je comprends pourquoi le riz a crié quand j'ai mis du sel. Tu sais, je crois qu'on a fait du bon travail aujourd'hui. J'ai peut-être que finalement je me suis trompée à ton sujet. Je croyais... Serais-je en train d'entendre l'ébauche d'un compliment? Laisse tomber. Non, allez-y. D'accord. Je croyais que tu étais une vieille fille râleuse, prétentieuse et pleurnicharde, mais je t'avais mal jugée. Voilà, c'était pas si dur, hein. Allez, si on veut te ramener chez toi demain matin, on ferait mieux d'aller dormir. Attrape! Parle-moi un peu de toi, Roddy. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Toi, tu sais presque tout sur moi, il n'y a pas de raison. Je ne sais même pas ce que tu fais dans la vie. Je suis dans un groupe de rock. Quoi? Oui, je fais le repassage. Je suis très sérieuse. Comment se passe ta vie dans le monde du dessus? T'as des amis, de la famille? Tu dois bien avoir une famille, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr que j'en ai une. J'ai des frères, des sœurs, des cousins, et d'ailleurs on est tous très unis. Vous ne pouvez pas savoir comment on s'amuse. On va souvent au cinéma, on joue au golf, on fait du ski. C'est toujours, toujours la fête. C'est pour ça que t'as envie de rentrer chez toi? Oui. J'espère que demain sera une bonne journée pour chacun de nous. Bonne nuit. Bonne nuit, Roddy. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Roddy. Au lit marin, la puce a faim. Debout là-dedans. Nous nous approchons de Kensington. Amarre tout solidement, on va faire des montagnes russes. À vos ordres, commandant. Oh, vous êtes gentil. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui vous a autorisé à monter à bord? Allez-vous-en! Et que ça saute! Je suis la séduisante créature. Elle est très agressive. The Frog. Je raffole des femmes qui ont du caractère. Je te ferai regretter ton geste au nom de la sauce à la menthe que tu manges avec l'agneau. Mais avant cela, quelques mots de notre commanditaire. Marcel? J'aurais dû m'en douter. Bien joué, The Frog. Je tiens à vous féliciter. Bon, maintenant, chère Rita, vous devez me le donner. Vous donnez quoi, au juste? Je suis fatigué de m'agiter pour rien. J'en ai assez. Rendez-moi ce que vous m'avez volé. C'est compris? Et toi, arrête ton cirque. Il n'est plus en ma possession. C'était un faux, de toute façon. Quoi? Oh, le rubis! Ce crapaud est fou, mais c'est la famille. Oh, c'est hilarant. Le rubis était un objet intéressant. Arrête, Marcel. Mais ce n'est rien comparé au câble principal. Le câble quoi? Le câble... Tournez-vous. Le câble, celui dont vous vous servez, comme ceinture. Vous n'avez qu'à lui donner. Non, attends. Et à quoi ce câble vous servira-t-il? Vous le verrez. Lors de la finale de la Coupe du Monde, cet après-midi. La finale de la Coupe du Monde? Ok, cousin, faut respirer, je vais m'en occuper. T'auras ton câble, on va tuer ces rongeurs, et ensuite, mes gars et moi prendrons un déjeuner bien mérité. Tous avec moi, quand il y a de l'action, nous rendons. Non, bande de crétins, qu'est-ce que vous racontez? Le truc du kung-fu. J'ai une idée. Je voudrais le coupon. Quand tu voudras. Une mouche à 12 heures. Pourquoi moi? Idiot, attrapez-les. Oh, les malheureux. Non, je veux ce câble. Roddy, les rapides. Oh non. C'est dangereux, on va mourir. Mon gars. Rita, on y est presque. Roddy, fais quelque chose. Non, non, non, non, non. Je te tiens. Au revoir, ma chérie. Enlève tes sales palmes de moi. C'est moi qui ai triomphé. Vous, les grands bretons, avec vos Yorkshire pudding et vos frites and fish, vous pensiez arriver à vaincre ce frog, hein? Il faut ronger pour vivre. Ouais, c'est ma ceinture, je crois. Sale rongeur. Jamais je ne t'oublierai, Jamie. Il est bon, Rita. Ça va aller. Ouvre tes yeux et admire. On survole Kensington. Oui, dis-toi qu'il n'y a que 300 terrifiants mètres qui te séparent de ton petit lit douillet. Où se trouve ta maison, Roddy? Laissez-moi regarder. Inverness Garden, Vicarage Street, Kensington High Street. Allez vers la gauche. C'est ça, à droite maintenant. Oui. Oh, ça va devenir dangereux. Ah oui, et le reste à côté, c'était une partie de plaisir. On est bientôt arrivé. 45, 47, 49. Maintenant. J'ai connu plus doux comme atterrissage. On a réussi. Ma maison. L'équipage du Jamie Dodger a survécu. Ouais. Oh. Rita? Oh, je suis désolé, je suis le dernier des idiots. Le Dodger. Non, c'est pas ta faute. En tout cas, c'était une drôle d'aventure. Oh, Rita, je suis vraiment désolé. Mais je crois savoir comment arriver à vous redonner le sourire. Ta-da! Comme promis, voici les joyaux de Kensington. Celui-là a une taille en étoile et c'est un rubis. Il est splendide, Roddy. Et le plus important, il est incassable. Oh, c'est trop, je ne sais pas quoi dire. Vous croyez que ça suffira? Vous subviendrez aux besoins de la famille? Et celui-là pourrait se transformer en Jamie Dodger, deuxième du nom. Je pense que nos aventures s'arrêtent ici. Merci beaucoup. Pour la balade. Ce n'est rien. Roddy? Oui? Est-ce que tu penses que tu aurais le temps de me faire faire un petit tour? Bien sûr, oui. Je serais heureuse de rencontrer ta famille. Hey. Hein? Y'a quelqu'un? Si vous êtes là, répondez-moi. C'est énervant. Chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont partis se promener. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, ça? Ça, c'est ma chambre. C'est une cage. Non, je suis pas de cet avis. Alors pourquoi un loquet des barons? En fait, c'est mon dispositif de sécurité. On a beaucoup de choses à voir et on a peu de temps, alors allons-y. Roddy, il n'y a personne dans cette maison. Tu vis seul. Qui c'est ça? C'est probablement mon petit frère. Wow, quel match d'enfer, j'arrive pas à le croire. Une passe, un amorti, contrôle de la nuque, viens ma poupée. Salut toi. Rita, voici Rupert. Quoi? Rupert, voici Rita. Rita avait très envie de rencontrer mon petit frère. C'est vrai, je vous l'accorde, la ressemblance n'est pas frappante. J'ai hérité du bon cerveau et lui n'a hérité de rien du tout, mais nous sommes très proches tous les deux, hein, Rupert? Bon, le temps passe trop vite quand on est en bonne compagnie, mais nous, on doit continuer la visite. Salut, Sid. Salut, Rita. Ton vieux, ça va? Mieux en mieux. Merci de t'en inquiéter. Rupert? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Viens voir, pauvre petite chose. Regarde la gueule de Sra. C'est encore plus triste que fromage sous cloche, ouais. Mon frère? Oh, monsieur solitaire, tout ce qu'il a, c'est une jolie poupée et une jolie petite roue pour faire de l'exercice dans sa cage. Oh, je trouve ça trop attendrissant. Quel gros nul! Oh, c'est pas grave, Roddy. Pas grave. Regardez cette maison, Rita, c'est chez moi ici. C'est un palace. Et je l'adore, j'ai le droit d'y faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Alors, quand vous parlez de gravité, je pense que vous faites de fausses routes. Non mais à quoi me servirait une famille ou des amis, je vous le demande bien. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de rien, alors... J'ai beaucoup de choses à faire. Un être nuisible a infesté ma maison et je dois vite réagir. Alors, je te dis au revoir dans ce cas. Roddy St. James, de Kensington. Extraordinaire. Allez les Anglais, oh, vous êtes fantastiques. Oh, attention, une contre-attaque allemande qui peut être dangereuse. Viens là, frère. Rupert a besoin de son Roddy Steg. Tiens, prends-toi une crotte de fromage. Oh, il vient de tomber et c'est un coup franc. Une autre? Continue. Non, arrête, c'est pas bien de gaspiller. Poussez-vous de là. Quoi? Poussez-vous de là. Et la partie va devoir s'arrêter quelques instants. Je veux de ce truc, moi aussi. Non, en fait, les deux équipes vont procéder à des changements. Moi, si je serais à ta place, j'aurais la descente moins violente. Ou sinon, t'arriveras même pas à la mi-temps. Qu'est-ce que vous dites? Les bécosses, je vais pouvoir attendre la mi-temps. Je veux pas rater une seule minute de la rencontre. À la mi-temps? Il va attendre la mi-temps, c'est pas vrai. Les vannes ne résisteront pas longtemps quand arrivera le grand jour. Non! Pas le câble principal. Et à quoi ce câble vous servira-t-il? Vous le verrez, lors de la finale de la Coupe du Monde cet après-midi. Mi-temps. C'est évident. C'est ce que fera le crapaud. C'est pour ça qu'il voulait le câble. Quand tout le monde ira aux toilettes, la ville entière se fera engloutir. Venez avec moi. Oh non, mais... Je comptais voir la fin du match. C'est un match plein de rebondissements. Oh, Ray Powers, de grand milieu de terrain, vient de chuter. Tu arrives à voir l'écran, Fergus ? Oui, merci, maman. Où t'as mis ton casque ? C'est lequel, le cas arrière ? Ramasse le ballon ! Ramasse le ballon ! Ah, ces buveurs de thé n'ont rien compris à ce qu'était le football ! Profitez de vos derniers moments sordides et répugnants de vermine. On arrête ça, patron ! On arrête ça ! Non, lâche-moi, espèce de résidu d'expérience ! Tu l'as raté ! Rita, c'est trop gentil à vous de me rendre mon câble. Bonjour. Hey ! Enfin ! Les miens ! Prends-le, grouille-toi. Que la lumière soit. Pitié, ne m'y jette pas, Roddy. Je n'y survivationnerai pas. Ah, je suis devenu civilisé. Hey, Sid, je veux que vous m'y poussiez. Moi, je veux y retourner. Quoi ? Rita court un terrible danger. Tous les rats courent un terrible danger. Écoutez, vous aimez vivre ici, n'est-ce pas ? Oh oui, Roddy. J'adore vivre ici. C'est super. Si on échangeait nos rôles, seriez-vous gentil avec Tabitha, la petite fille qui s'occupe de moi ? Je serais pas gentil, je serais un ange, Roddy. Je suis le meilleur rat dont une fille puisse rêver. Dans ce cas, bienvenue chez vous. Victoire ! Allez. Il est temps de faire des bulles. J'ai une mission qui m'attend là-dessous. À vos ordres, Altesse. Adieu, Sid. Adieu, Rodnix, un truc chose dont je ne me souviens plus de la suite. Je vous salue. Et c'est du monde du dessus que viendra le moment venu de notre libérateur. Lui seul nous sauvera du grand déluge qui doit nous engloutir. Toutes mes excuses. Rita ! Rita ! Que le spectacle commence ! L'arbitre de touche avait levé son drapeau et c'est un nouveau... Oh ! Rita ! Il vous faut de l'air, les supporters. Édition spéciale. Ils ont tous péri en suivant un joueur de foot. Ballon. Tous les détails en page 2. Ballon. Rita. Rita. Roddy. Je m'excuse d'avoir agi de cette façon, je suis un idiot. Vous aviez raison à propos de moi, vous aviez raison à propos de tout. Et j'aurais dû le reconnaître plus tôt, mais j'avais peur que vous vous fâchiez contre Roddy. Moi. Nous reparlerons de tout ça, mais avant, libère-moi, s'il te plaît. Oh, bien sûr. Il y a urgence. Quand l'arbitre sifflera à la mi-temps, tout le monde se lèvera pour aller aux toilettes et toute la ville sera inondée. Je sais. Et ma famille est là, au grand complet. Il faut prévenir tout le monde. Arrêtez-le ! Oh là là ! Blanco ! Grâce au son du ballon, je croyais être discret. Ainsi donc, vous pensez à Bernal Crapaud, vous me prenez pour qui ? Il a des réactions tétards. Oh, vous pensez être plus intelligent que les autres, hein ? Vous serez bientôt tous noyés sous le flot de millions de chasses d'eau, alors rira bien qui rira le dernier, ouais ! Je pourrai alors enfin repeupler toute la ville avec nous ! Quelle horreur. Papa, le règne des amphibiens a sonné. Je veux tout vous donner, mes têtes d'archiriche. Je voudrais un poney. Non. Un hamster. On en parlera plus tard. On peut en parler maintenant. Non. Le hamster. Mais bon, j'ai non, vous ne pouvez pas avoir le hamster. Il ne sait pas trop qu'il est là du travail. Il faudrait arriver à descendre et à arracher ce câble. Comment on fera? C'est impossible. L'Angleterre est en train de gagner, alors tout est possible. Au secours, Blanco ! Allons-y. Il s'échappe. Ça va, patron? Blanco! Il me porte derrière! Tiens, bon, j'arrive, Spike! Bons idiots, attrapez-les! Dernier étage, lingerie, décoration et règlement de compte! N'y a-t-il vraiment que moi sur qui je puisse compter? Voilà le coup de sifflet avançant la mitin. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouverons dans quelques minutes. Il est trop tard, vous ne pourrez rien y changer. Vous et votre espèce êtes condamnés. Vous croyez? Venez nous chercher si vous l'osez, grosse baudruche boutonneuse. La porte, par ici, faut se dépêcher. Rita, si je disparais, vous disparaîtrez avec moi. Sauve-toi, Roddy. Oh, j'ai une idée. Roddy, reste où tu es. Viens me chercher, espèce de grosse verrue palmée. Roddy, attention. Qu'on en finisse. Oui, lâche-moi. Adieu. Rita. Rita. Quoi? Vous avez la langue bien pendue. C'est impossible. À bientôt. Pitié, fonctionne. Envoyez dans ta mare. Tu me paieras ça, mangeur de grenouilles. Oublie-moi, tu veux, cousin. Et achète le hamster au tétard. Rita. Je me demandais, si jamais vous envisagiez de construire un deuxième Jamie Dodger, vous... Vous auriez peut-être besoin d'un matelot. Ça serait utile. Left a good job. City, working for the man every night and day, rolling, rolling on the river, on the river. Okay. Coucou, Tom. Un gros câlin. J'adore les histoires qui finissent bien. Oh, arrête, tu me fais honte. Moi, j'adore quand ça finit mal, quand c'est violent. Es-tu satisfait maintenant, Spike? On y va? Je n'attends que ça. Aucune idée! Mais où que nous allions, nous y allons vite! Je suis là, Monsieur Jones! Attendez-moi! Ah, voilà la vie dont je rêvais! Roddy, je suis de retour! Hein? Et je t'ai trouvé un nouvel ami! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah. It's a wonderful night. Gotta take it from me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style, f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night. The spot will get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down.